Pour aller plus loin, au lieu de rester attentif silencieusement à tout ce qui se présente à l'esprit, on choisit de porter la vigilance sur un seul objet, silencieusement et à l'instant présent. Cet unique objet peut être la sensation du souffle, l'idée d'amour bienveillant, un cercle doré vu dans l'esprit, ou plusieurs autres objets de concentration moins courants. Ce que je vais décrire ici est la vigilance silencieuse sur le souffle à l'instant présent. Choisir de fixer son attention sur un seul objet revient à abandonner la diversité et à se tourner vers son contraire, l'unité. Quand l'esprit commence à s'unifier et à maintenir son attention sur un seul objet, cela intensifie notablement la sensation de paix, de félicité et de puissance. On découvre ici combien la diversité de la conscience est un autre fardeau, un lourd fardeau. C'est comme avoir 6 téléphones sur le bureau qui sonnent en même temps. Se débarrasser de cette diversité en ne gardant qu'un seul téléphone, une ligne privée de plus, est un tel soulagement que cela procure du bonheur. Comprendre que la diversité est un lourd fardeau est crucial pour pouvoir se concentrer sur le souffle. Si vous avez développé longtemps et avec soin la vigilance silencieuse à l'instant présent, il vous sera facile de diriger cette vigilance sur le souffle et de suivre le souffle d'instant en instant sans interruption. C'est parce que vous avez surmonté deux obstacles majeurs à la méditation sur le souffle. Le premier étant la tendance de l'esprit à vagabonder dans le passé ou dans le futur, et le second étant le discours intérieur. C'est pour cette raison que j'enseigne les deux stades préliminaires de vigilance à l'instant présent et de vigilance silencieuse à l'instant présent, en tant que préparation solide à une méditation plus profonde sur le souffle. Il arrive souvent que des méditants abordent la méditation sur le souffle, alors que leur mental continue toujours de divaguer entre passé et futur, et que leur vigilance est noyée sous le commentaire intérieur. Sans préparation adéquate, ils vont trouver difficile, si ce n'est impossible, la méditation sur le souffle, et ils vont l'abandonner par frustration. Ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas commencé au bon stade, et qu'avant d'entamer la concentration sur le souffle, ils n'ont pas entrepris le travail préparatoire. Au contraire, si votre esprit s'est bien préparé en accomplissant les deux premiers stades, il vous sera facile de maintenir votre vigilance sur le souffle quand vous passerez à ce troisième stade. Si être attentif au souffle vous paraît difficile, c'est un signe que vous avez passé trop vite les deux premiers stades. Revenez aux exercices préliminaires. Patience et vigilance, telle est la voie la plus rapide. Quand vous vous concentrez sur le souffle, vous vous concentrez sur la sensation du souffle telle qu'elle survient à l'instant présent. Vous faites l'expérience de ce que fait le souffle. Si c'est une inspiration, une expiration ou l'intervalle entre les deux. Certains instructeurs disent qu'il faut observer le souffle au bout du nez. D'autres disent dans l'abdomen. D'autres encore qu'il faut le déplacer entre un point du corps et un autre point. L'expérience m'a montré que l'endroit où l'on observe le souffle n'a pas d'importance. Le mieux serait d'ailleurs de ne le localiser nulle part. Si vous le localisez au bout du nez, cela devient une vigilance au nez, pas au souffle. De même pour l'abdomen, cela devient une vigilance à l'abdomen. Il faut juste se demander à l'instant présent, est-ce que j'inspire ou est-ce que j'expire? Comment le savoir? C'est tout. La sensation qui vous dit ce que fait le souffle, voilà l'objet de concentration. Ne vous souciez pas de l'endroit où cela se passe. Soyez concentré seulement sur la sensation elle-même. Un problème classique à ce stade est la tendance à contrôler le souffle, ce qui rend inconfortable la respiration. Pour surmonter cette difficulté, imaginez que vous n'êtes qu'un passager dans une voiture qui regarde son souffle à travers la vitre. Vous n'êtes pas au volant et ne donnez pas non plus de conseils au conducteur. Alors, arrêtez de contrôler, laissez faire et profitez du voyage. Laissez le souffle créer la respiration et contentez-vous d'observer. Quand vous avez été conscient du souffle, à l'inspiration ou à l'expiration, pendant environ une centaine de va-et-vient d'affilée, sans en manquer un seul, alors vous avez accompli ce que j'appelle le troisième stade de cette méditation, qui implique une vigilance soutenue sur le souffle. De nouveau, ce stade est plus paisible et plus joyeux que le précédent.